Chapitre 6e. Ce n'est pas d'hier que les philosophes chagrins ont remarqué la facilité avec laquelle les femmes se soumettent à la loi, en apparence si dure, de la vie sociale, qui les force à revoir ceux qu'elles ont aimés, quand elles ne les aiment plus, avec le même sourire, la même poignée de main et la même intimité. Leur sang-froid est merveilleux, pour retrouver, au cours d'une soirée, les folies de leur passé incarnées quelquefois dans plusieurs des personnages corrects qui les saluent, avec la banale amabilité de rigueur, et pour ne pas avoir l'air de s'en ressouvenir. Elles savent bien qu'elles ont appartenu à ces hommes, elles le savent, comme nous savons que nous avons été de petits enfants. Et cela est si vague, si lointain, qu'il leur semble qu'une autre a reçu et donné les caresses de ses anciennes amours. Il n'est pas certain, cependant, que quelques-unes d'entre les plus calmes de front et de sourire n'aient point un couteau dans le cœur à rencontrer des yeux connus, où elles lisent la certitude d'une faute qu'elles voudraient effacer au prix de leur vie. À coup sûr, Noémie Hurtrel pouvait bien se dire qu'elle avait le droit de lancer à Tarabal tout son mépris dans un regard, et cependant, au matin de cette nuit de douleur, ce lui fut un comble de peine de songer qu'il lui faudrait se retrouver dans la présence de cet homme, de lui et de l'autre. Elle associait dans une même horreur, qui, jointe à l'énervement de l'insomnie, allait jusqu'à la haine, la réalité physique de ces deux êtres, à côté desquels elle allait pourtant s'asseoir dans quelques heures. On avait arrêté, la veille au soir, qu'on attellerait le grand break et qu'on reconduirait les deux voyageuses jusqu'à Compiègne. La comtesse attendit cette minute du départ dans une angoisse toute pareille. Elle ne se faisait pas d'illusions sur la clairvoyance de Noémie, et elle tremblait qu'un mot, qu'un regard, qu'un geste du marquis de Haen ne fît de nouveau saigner le cœur de l'enfant. Comme elle ignorait absolument l'épouvantable scène qui avait livré la jeune fille à la violence de Tarabal, elle attribuait à la découverte subite de son intrigue, à elle, la crise de larmes et de désespoir dont elle avait été le témoin. Et une révolution étrange s'accomplissait en elle, qui à ce moment lui eût fait tout sacrifier pour épargner une nouvelle émotion à Noémie. Elle se trouvait, pour combien de jours ou combien d'heures, n'aimée plus au monde que sa fille. Comme toutes les personnes atteintes d'une maladie de la volonté, une existence immorale est toujours le signe d'une de ces maladies-là, elle laissait les sensations présentes s'exagérer chez elle jusqu'à lui supprimer la vision nette du passé et de l'avenir. C'est le phénomène que les savants modernes appellent dans leur langage technique l'excès d'impulsion. Ainsi, à une demi-nuit de distance, l'amant sur la poitrine de qui elle avait, tout au désespoir de le quitter, appuyé longuement sa tête perdue, n'était plus pour elle qu'un objet de cauchemar. Et le supplice intime des deux femmes était égal lorsqu'elles descendirent l'escalier du château dans leur costume de voyage en drap sombre. La mère avec le masque de la vieillesse, qui transparaissait à travers la décomposition de ses traits, la fille au contraire, avec cette beauté souveraine des douleurs de la 20e année qui pâlissent et spiritualisent le visage sans le déformer. Ce fut pourtant le sourire sur les lèvres qu'elles tendirent la main aux soi-disant amis qui devaient les accompagner. L'étreint de Tarabal glaça Noémie à travers son gant. Mais quoique cet homme ne se rendît pas un compte très exact des dessous du caractère de la jeune fille, le flair qu'il avait des sensations féminines lui fit comprendre que la moindre faute de tact commise en ce moment compromettrait à jamais un avenir sur lequel il tablait avec certitude. Il ne savait pas pour quelle date, et le côté calculateur de son caractère eut du moins cet avantage que ce matin-là, il fut parfait de tenue. Pas la moindre nuance dans sa façon d'agir ne rappela ni leurs intimités de ces dernières semaines, ni l'aventure de la dernière nuit. Hélas, tout le tact du monde ne pouvait empêcher qu'il ne fût vivant, et qu'avec ses mêmes bras qui tiraient sur les guides des quatre chevaux attelés à la voiture, tandis qu'on gagnait la station, il n'eût serré le corps de la jeune fille et que son souffle ne se fût promené sur son visage. Il lui semblait qu'elle sentait cet embrassement et cette chaleur. Ramassée sur elle-même dans un coin du break, les jambes enveloppées d'un plaid, silencieuse sous le prétexte d'une migraine commençante, elle l'entendait qui, de temps à autre, donnait du pull-up à ses chevaux, ou bien, le buste retourné, le fouet tendu, montrait et nommait quelques maisons de campagne perdues à travers les brouillards grisâtres de ce beau matin d'automne. En même temps, elle regardait ses compagnons. Elle voyait les yeux du jeune marquis chercher avec une expression d'inquiétude les yeux de la comtesse qu'il ne rencontrait jamais. Puis elle surprenait des sourires heureux de Madame Donvet à Celdron, car le petit Donvet s'était fait excuser sur sa santé de ne pouvoir sortir le matin, et une nouvelle évidence s'imposait à l'observation de Noémie. Puis elle regardait avec un indéfinissable remords, tout mêlé d'une étrange pitié, le visage confiant de Madame Taraval. Elle apercevait le profil tourmenté de sa mère, dont la seule vue la bouleversait. Les conversations banales qui se poursuivaient, en dehors des secrètes pensées de chacun, lui parvenaient à travers un rêve, et la vie lui apparaissait comme quelque chose d'obscurément infâme et tragique dans cette voiture élégante, parée sur le siège de ses deux valets en grande livrée, et au-dedans chargée de quoi ? Elle le comprenait maintenant, de mensonges et de luxures et de mensonges. Comme elle aurait voulu mourir alors. Car dans ce premier frisson devant la réalité enfin perçue, elle avait perdu la force de raisonner. Elle ne se disait pas qu'elle ne voyait qu'un coin particulier de mœurs et d'événements et un coin disposé pour un piège par un scélérat. Quand il faut de tels efforts à un esprit d'homme pour briser le cercle de l'expérience personnelle et considérer le monde d'un point de vue général et désintéressé, comment supposer qu'une enfant puisse juger des choses autrement que par le mirage de ses bonheurs ou de ses malheurs ? Ce fut avec ces sentiments de désespoir et de honte qu'elle quitta les hôtes de ce château, dont, si souvent depuis, elle devait revoir, à travers ses songes, la longue aile gauche, une construction sans caractère original, mais pour elle à jamais unique et redoutable. Ce fut dans ces sentiments qu'elle voyagea, presque incapable de parler à sa mère, dont les cheveux noirs laissaient voir, depuis la scène tragique de la veille, une petite place blanche à côté de la tempe. Ce fut avec ces sentiments qu'elle s'installa dans sa chambre de la vieille maison de Bruxelles. Cette bâtisse d'un autre âge avait vu mourir l'aïeul, le grand-père et le père du comte, qui s'obstinaient à ne pas la quitter, malgré les doléances de sa femme. Par derrière, un immense jardin se développait, dont les arbres montaient jusqu'aux fenêtres du premier étage, et Noémie, en se penchant par-dessus le balcon de pierre sur lequel donnait sa chambre, aurait aisément cueilli une des feuilles, maintenant jaunie, de ces arbres. Elle pouvait s'enfermer devant ce paysage d'automne pendant des heures. Le comte, qui s'était presque aussitôt rétabli, ne voyait ces dames qu'au repas. La comtesse, désespérée de la tristesse persistante de sa fille, mais incapable d'une action de détail pour modifier cette tristesse, se retirait, elle aussi, dans son appartement. Elle se tourmentait, elle priait, elle se repentait, puis, comme les tempéraments ne subissent pas de révolution définitive, même sous l'influence des causes les plus violentes, lorsque ces causes sont des faits qui passent, elle se souvenait du marquis et elle lui écrivait d'interminables lettres dans lesquelles les plus héroïques résolutions de rupture se mélangeaient à des caresses de langage qui contredisaient tout le reste. Et cependant, la jeune fille regardait son feu, ou bien le ciel bas, ou bien le jardin secoué par le rude vent des plaines flamandes. Elle regardait ces choses, mais sans les voir, tandis qu'elle sentait s'ouvrir et saigner en elle une plaie. Oui, une plaie. C'est ainsi qu'involontairement, dans les jours où elle retrouvait assez de lucidité pour réfléchir sur elle-même, elle appelait le mal singulier dont elle se sentait atteinte. Ce n'était pas une souffrance tout à fait continue, comme celle qui résulte de la mort d'une personne aimée, non. Mais cette lancinante et sourde et périodique douleur, que connaissent bien ceux qui ont eu, comme elle, à souffrir d'une image tour à tour absente ou présente, suivant les hasards de la pensée. Vous allez et venez, en tout semblable aux autres hommes, et aucun des événements matériels qui constituent votre vie habituelle n'est en effet changé. Mais voici qu'une analogie s'impose à vous subitement, à propos d'un petit fait quelconque, et ressuscite cette image. À m'en tromper, vous apercevez la bouche de votre maîtresse sur celle de votre rival. Ambitieux tombé, vous voyez les regards de vos ennemis triomphants. Coupable d'une faute que vous effaceriez de tout votre sang, votre action honteuse vous apparaît dans son plus extrême détail. C'est alors une angoisse physique et morale à croire que vous allez défaillir. Juste à la pointe du cœur, une aiguille pénètre dans votre poitrine qui vous transperce lentement. Toutes les puissances heureuses de votre nature sont à la fois paralysées. C'est une crise de chagrin dont vous comprenez que si elle durait, vous mourriez. Quelquefois, c'est pendant votre sommeil que l'image revient. Et si ce retour a lieu plusieurs fois de suite, c'est à souhaiter de ne se rendormir jamais. Vous êtes alors l'esclave de l'idée fixe, et vous n'essayez plus de lutter contre elle, car au bout d'un certain nombre d'accès, vous avez éprouvé que la chasser, c'est la rappeler. Vous attendez maintenant son retour de demi-heure en demi-heure, comme on attend le retour de la rage de dents, et l'obsédante image revient en effet poignante et meurtrière. De là dérivent ces profondes révolutions d'habitude et d'humeur dont les chagrins de cet ordre s'accompagnent. Comment la présence périodique de l'idée fixe ne modifierait-elle pas notre caractère, puisque ce caractère n'est en définitive qu'une façon accoutumée d'associer nos idées? Tout d'abord, sur cette blessure du cœur de Noémie, une crainte atroce répandit son poison pour la rendre plus cuisante et plus douloureuse. La jeune fille eut peur de devenir mère. Comme beaucoup de femmes, même de celles qui ont traversé le mariage, elle entrevoyait dans le phénomène de la conception un je ne sais quoi d'infiniment obscur et mystérieux. Un journal regardé par hasard durant les premières journées de sa vie à Bruxelles précisa ses idées d'une manière terrible. Elle y rencontra, sous la rubrique banale de Gazette des tribunaux, le détail d'un procès d'infanticide et les révélations de l'accusé, une pauvre servante de la campagne à laquelle son maître avait fait violence, offrait une si frappante analogie avec ses propres souvenirs qu'elle faillit se trouver mal. Oh, un enfant qu'elle aurait eu de cet homme, et conçu dans cette étreinte, elle sentait qu'elle le haïrait de toute la haine qu'elle portait à Taraval. Chaque fois que cette possibilité détestable s'offrait à elle, sa main se posait sur son côté. En proie à un effroi d'autant plus invincible qu'il était plus vague et plus ignorant, il lui semblait qu'une chair issue de la chair de cet être maudit remuait dans son sein. Cette crainte, qui tourna tout de suite à l'obsession, eût certainement abouti à la folie si elle n'avait eu l'idée de rechercher dans la bibliothèque du comte quelques livres capables de la renseigner sur son état. Elle découvrit ainsi deux ouvrages de physiologie du XVIIIe siècle, dont elle dévora toutes les pages, et comme dans une âme malade tout se transforme en maladie, les connaissances inattendues que cette lecture lui donna eurent seulement pour conséquence immédiate d'aviver la fatale image. En même temps, ses livres de science lui révélaient que jusqu'ici elle avait vécu dans un songe. C'était la vérité qu'elle goûtait maintenant avec toute son amère saveur. Cela lui procurait un malaise intellectuel comparable à celui d'un homme qui perd la foi après avoir cru et pratiqué durant des années. Tout le plan de son esprit se déplaçait d'un même coup. Les idées qu'elle s'était formées sur son propre caractère tombaient morceau par morceau. Elle s'apercevait qu'elle était une faible, une ignorante enfant. Elle posait le livre sur ses genoux, ses coudes sur le livre, son front dans ses mains. Et elle demeurait ainsi de longs moments du jour ou de la nuit, et quand arrivait une certaine heure, celle où s'était accompli l'acte infâme, elle en écoutait le tintement passer dans l'horloge d'une église voisine, puis dans une petite pendule de voyage qui ne quittait pas sa table, et l'image était là de nouveau. Elle sanglotait alors, ayant sur elle comme l'hallucination de la violence dont elle s'était sentie souillée, si profondément souillée, qu'il aurait fallu, lui semblait-il, qu'on lui lavât tout son sang pour abolir cette souillure. Cette impression de faiblesse tua toutes les autres et ne fit que grandir. « Ah, que je suis un pauvre être !» se disait-elle à voix haute et toute seule, comme une sorte de refrain qui berçait sa peine indéfiniment. La foi orgueilleuse en elle-même, qui avait été le vice naïf de sa jeunesse, avait cédé la place à un abandon complet de toute prétention, et comme il arrive, elle n'avait cessé de s'estimer trop que pour ne pas s'estimer assez. Sous l'empire de cette dépression morale, elle découvrit qu'aucun des plaisirs qui avaient été les siens jusqu'à cette époque ne la tentait plus. Il lui fallut, après l'entier établissement du comte, assister avec sa mère à quelques grands dîners, faire quelques visites, paraître dans quelques soirées. Elle demeura étonnée de ne rencontrer que l'ennui morne, là où elle était accoutumée de trouver une excitation de tout son esprit, et surtout, elle haïssait dans ses sorties la cause certaine d'une crise nouvelle de son mal. Elle revoyait dans les salons plusieurs des hommes avec lesquels elle avait flirté autrefois. Ils s'approchaient d'elle, avec cette expression du visage qui traduit l'amabilité presque trop familière, et cela poignait Noémie de rencontrer ce signe évident de ses anciennes complaisances. Elle s'exagérait en ce moment-là les corruptions du monde, au point de deviner un désir, qui la brûlait comme une insulte, dans ses amabilités. Tout en forçant, du mieux qu'elle pouvait, son visage à des sourires et sa bouche à des compliments, elle repassait en souvenir ses relations de jadis avec ses interlocuteurs, et dans la perspective de sa mémoire, ses gestes les plus innocents lui paraissaient des manques de réserve déshonorants, ses paroles légères de haïssables avances. Elle se disait qu'elle s'était conduite ainsi avec Taraval, et elle voyait le résultat de ce qu'elle appelait, dans son accès d'injustice expiatrice, ses égarements. La seule existence de ces hommes à côté d'elle lui faisait courir par tout le corps ce frisson d'effroi que les chevaux éprouvent lorsque leur tasse leur litière avec de la paille sur laquelle ont couché des fauves. L'image surgissait, évoquée soudain en pleine fête, de cette chambre lointaine des oserais et de l'homme, tout pareil à ceux-ci, transformés en bêtes féroces. Et dire que cela avait commencé dans des réunions semblables, et qu'elle avait aimé ces réunions, et qu'elle s'était complue dans ses frôlements et ses intimités. Alors, brusquement, elle se jugeait coupable. Elle se rappelait, dans une même minute, ses premières coquetteries avec Taraval, ses promenades à cheval, l'infamie. C'est ainsi qu'elle se parlait à elle-même, de leur conversation, la lâcheté de lui avoir permis des phrases d'amour, la complicité de leur tête-à-tête, son entrée chez elle, et elle ne l'avait pas forcé de partir, ses premiers discours, le serment de main qu'elle lui avait donné. Puis, la vision devenait exacte jusqu'à la torture. Et comment la chasser jamais? Sur ces entrefaites, après 6 semaines de ces crises de plus en plus rapprochées, l'anniversaire du jour de naissance de Noémie arriva, et une scène de larmes se produisit entre elle et sa mère, qui finit de lui empoisonner l'âme. La pauvre comtesse ne savait à la lettre que faire pour dissiper la mélancolie grandissante de son enfant, d'autant plus que la jeune fille ne lui manifestait d'autre sentiment que celui d'une tendresse plus dévouée, et cette tendresse était sincère. Car dans cette noble créature, les souffrances personnelles se transformaient en pitié pour les autres, et elle plaignait sa mère aussi ingénument qu'elle se condamnait. Avoir une explication avec cette fille si caressante et si triste, la comtesse disait que cela n'était pas possible. Comment faire comprendre à une enfant pure, et qui ne savait rien de la vie, les besoins d'un cœur de femme qui a roulé de déception en déception? C'est ainsi que Madame Hurtel interprétait et justifiait à ses propres yeux la variété de ses expériences amoureuses. Cependant, elle voulait à tout prix rompre le silence, pour elle insupportable, dans lequel Noémie enveloppait sa langueur. La tenant embrassée, le jour de sa fête, et parmi les fleurs qui paraient la chambre de la jeune fille, elle lui dit tout bas « M'aimes-tu encore ?» Il y avait quelque chose de si tendre dans l'accent dont cette simple phrase fut prononcée. C'était un si touchant mouvement en avant du cœur que Noémie en fut pénétrée et que ses larmes jaillirent. « Ah, maman » répondit-elle en appuyant sa tête sur l'épaule de la comtesse par un geste d'une câlinerie enfantine. « Tu sais bien que je n'ai personne au monde que toi. » Cette minute, dont la douleur fut suprême, devint le principe d'une nouvelle série d'heures douloureuses. C'est alors que Noémie découvrit ce qui formait le fond même de son être et que l'entassement de tant d'idées fausses lui avait caché. Un infini besoin d'aimer complètement, d'avoir une autre âme à qui suffire et qui lui suffit, une épaule où reposer sa tête comme elle venait de le faire. Et quoi qu'elle lui dit, quoi qu'elle eût cru, cette épaule-là ne pouvait plus être celle de la comtesse. Certes, son affection pour cette mère, si coupable et si repentante, était singulièrement profonde. Mais à toutes les manifestations de cette tendresse correspondait maintenant un renouveau de la torture intérieure. Aussitôt qu'elle songeait à cette mère pourtant adorée, l'image, la hideuse image apparaissait, invinciblement liée même à cette adoration. Cette épaule, où goûtait le repos dans l'abandon du cœur, ce n'était pas non plus celle de l'homme qu'elle croyait son père. Toutes les effusions seraient venues se briser contre l'insensibilité de ce manieur d'argent qui lui faisait froid dans les veines rien qu'à le regarder à table. Une grande table carrée qui rendait comme perceptible la séparation de ceux qui s'asseyaient autour dans la vaste salle à manger garnie de tapisseries. Cet inconscient besoin d'aimer achevait de tuer la jeune fille, dont les traits changeaient de jour en jour, si bien que le comte lui-même s'en aperçut et fit venir un médecin. Avait-il été touché de la pâleur navrante de Noémie? Ou bien trouvait-il que le séjour des deux femmes auprès de lui se prolongeait outre mesure? Car, dans leur désorientement d'esprit, ni la mère, ni la fille n'avaient formé de nouveaux projets, et depuis sa demi-attaque d'apoplexie, Il était devenu, lui, d'une humeur à ne plus supporter personne dans sa maison. Toujours est-il que le docteur ausculta la malade, et sans trop rien dire de précis devant un état de consomption réellement effrayant par sa rapidité, il ordonna un départ immédiat pour le midi. 8 jours plus tard, la comtesse et Noémie arrivaient à Cannes.